souvenirs d'un marchand de tableaux, chapitre 14. Les voyages que j'ai faits. La Suisse, l'Espagne, l'Alsace, la Hollande, Glozel, Londres. Durant la guerre, le service de la propagande m'avait demandé d'aller faire, à l'étranger, quelques conférences sur la peinture. Je pris naturellement comme sujet les deux peintres que je connaissais le mieux, Cézanne et Renoir. J'allais d'abord en Suisse. En passant la frontière, je me remémorais l'aventure arrivée à M. Paul Adam, un jour que, prenant le train dans une gare helvétique, il était monté dans son compartiment avec ses deux gros chiens. Un contrôleur vint les en expulser. « Je suis Monsieur Paul Adam !» protesta l'écrivain. « Et moi, j'applique les règlements !» Aussi, de quel bien-être je jouissais de me sentir dans le pays où règne un tel ordre. Mais quel ne fut pas mon étonnement de voir, dans le wagon-restaurant, un voyageur allumait sa pipe, encore qu'un écriteau portât « défense de fumer ». Je regimbais vigoureusement. « Vous n'avez pas le droit de fumer ici !» Mais un maître d'hôtel intervint. « Ici, nous sommes encore en Suisse française. » Un peu décontenancé, j'avais hâte d'arriver dans la région que j'appelais, comme tout le monde, la Suisse allemande. Ce qui me valut cette réplique, assez vive, d'un autochtone. « Il n'y a pas de Suisse allemande, monsieur. Il y a la Suisse alémanique. » En descendant de wagon, à Winterthur, où je devais faire ma première conférence, je fus surpris de ne pas avoir, comme en France, les oreilles transpercées de stridents coups de sifflet. « Il y a donc quelque chose de détraqué dans votre machine que vous ne sifflez pas ?» demandai-je au mécanicien. « C'est que je n'ai pas envie d'attraper une contravention, » me répondit-il. J'étais à Winterthur l'invité de M. et Mme Anne Loser, qui compte parmi les plus zélés propagandistes de l'art français en Suisse. Quelle collection de bonnards j'ai vu là! Et les Renoir, et les Matisse, et les Roussel, et les Vuillard. Enfin, tout notre art moderne. Mais mon admiration allait autre chose qu'à des tableaux chez les Anne Loser. Ce fut une véritable détente pour moi que cette intimité familiale que je souhaiterais de trouver plus souvent dans mon propre pays. Ainsi, la jeune fille de la maison présentait les plats et son jeune frère versait les vins. Et tous deux si réservés, si prévenants. À Winterthur, les notables du pays constituent une véritable élite artistique. Il suffit de nommer les Anne Loser, les Reinhardt, les Sulzer, les Butler. Un jour, au cercle, l'un d'eux avait dit « Pourquoi n'avons-nous pas de musée? Ne valons-nous pas les gens de Zurich ?» Sur l'heure, il fut décidé qu'on ouvrirait une souscription. En quelques jours, on recueillit les fonds nécessaires. Ainsi put être construit le charmant musée que l'on pourrait qualifier de temple élevé au génie de l'art français. Les Cézanne, les Renoir en sont les joyaux. Je vois encore les admirables fresques de Caïx Roussel, dont le vestibule est comme illuminé. Et, chose à remarquer, dans ce palais, on a résolu les problèmes de l'éclairage et du chauffage, qu'on juge ailleurs indignes des préoccupations d'un conservateur de musée. C'est dans une salle du musée de Winterthur que je devais faire ma conférence. Elle était annoncée pour 8h30. Fort des habitudes parisiennes, je m'étais dit qu'en arrivant à l'heure fixée, j'aurais encore le temps de regarder les tableaux. J'étais à 20 mètres de l'édifice comme la demi de 8 heures sonna. Aussitôt, un gardien qui était derrière la porte la poussa et donna un tour de clé. J'eus grand-peine à le décider à m'ouvrir. Je n'y serais certainement pas parvenu si je n'avais été le conférencier. Aussi, la semaine suivante, lorsque j'eus à faire à Genève une conférence annoncée pour 8h30, je fus cette fois exact. Mais ma ponctualité ne me servit en rien, car la salle était encore aux 3/4 vide. Les auditeurs, mieux initiés aux usages parisiens, n'arrivèrent guère avant 9h. On doit rendre cette justice aux Suisses qu'ils savent écouter, et même qu'ils méditent sur ce qu'ils ont entendu. C'est ainsi que, le lendemain de ma causerie à Genève, comme je me trouvais en compagnie d'un de mes auditeurs de la veille, celui-ci soudain éclata de rire et me dit « Ah, je comprends maintenant ce que vous nous avez raconté à propos d'un des modèles de Renoir. » Nos voisins suisses sont d'excellents connaisseurs en vin. Outre les crus si appréciés du pays, ils font largement honneur au vin français. Ah, quelle fructueuse propagande nous font nos vins! Avec nos livres et nos tableaux, ils ont été, de tout temps, nos ambassadeurs les mieux accrédités auprès de l'étranger. Étant à Zurich, je crus m'être découvert un don de charmeur d'oiseaux. Longeant les quais de la ville, j'aperçus un corbeau dans les branches d'un platane. Il me sembla que cet oiseau me regardait, comme s'il me reconnaissait. Pointant ma canne dans sa direction et remuant le feuillage, « Gentil corbeau !» lui criai-je. L'oiseau voleta de branche en branche et se mit à mordiller le bout de ma canne. J'étais ravi. Au retour, je racontai à mon hôtel que j'avais réussi à apprivoiser un corbeau sur la route. « Ah ! S'écria l'hôtelier, ce doit être le corbeau du garde-pêche, il embête comme ça tous les gens qui passent. » Quelque chose qui devait m'intriguer davantage m'arriva à Zurich. De ma fenêtre ouverte, j'apercevais au bout du jardin une minuscule pièce d'eau où se reflétaient les branches des arbres voisins, qui, dès l'aube, se peuplait d'oiseaux. J'avais pris même l'habitude de sortir de mon lit à cet instant pour les voir effleurer l'eau de leurs ailes à la chasse de quelques provendes matinales. Un jour, je ne vis plus la pièce d'eau. Je sonnai le garçon. « Dites-moi donc, il y avait bien une pièce d'eau au fond du jardin ?»« Une pièce d'eau, monsieur ?» Mais il n'y a jamais eu de pièce d'eau ici, je peux vous le garantir. C'est moi-même qui ratisse le jardin. » Sorti de ma chambre, et non sans une certaine inquiétude sur mon état mental, je rencontre, dans le salon de l'hôtel, un ami à qui je raconte la chose. « Tu sais, lui dis-je, la petite pièce d'eau si jolie que je t'ai montrée dans ma chambre. » « Oui, eh bien, disparue. « Volatilisé !» Et le garçon a même eu l'air de me prendre pour un fou quand je lui ai demandé ce qu'elle était devenue. « Remontons chez toi. » Une fois dans ma chambre, et la fenêtre ayant été ouverte, mon ami s'écria. « Voyons, qu'est-ce que tu me racontais ? Elle est toujours là-bas, la petite pièce d'eau. » « En effet, mais qu'est-ce que cela signifiait ? C'est toujours votre bassin que vous cherchez ?» me dit le garçon, qui, à ce moment, m'apportait le courrier. « Je ne cherche plus, le voilà revenu. Regardez-vous-même. »« Ah, c'est ça que vous preniez pour une pièce d'eau ? Mais c'est la glace qui recouvre la table où l'on sert le thé de la famille anglaise. On ne l'avait pas descendu ce matin parce qu'ils ont pris le petit déjeuner dans leur chambre. » À quelque temps de là, je me rendis en Espagne. Les deux célèbres athénéums de Madrid et de Barcelone m'avaient demandé de parler de Renoir et de Cézanne. Dès qu'on a franchi la frontière, l'impression que donne l'Espagne est une impression de désolation. Cela avait aussi frappé Renoir. « Pourtant, me disait-il, les Espagnols ne sont pas en République. Ce régime qui réussit à supprimer les arbres dans la forêt, l'oiseau dans l'air, le lièvre dans la plaine, le poisson dans l'eau. Mais en revanche, les Espagnols ont des chèvres qui saccagent tout. » On m'avait dit à Paris, « Vous allez en Espagne, c'est le pays le plus sale de l'Europe. » Or, l'Espagne est peut-être le seul pays où l'on peut, en toute sécurité, boire en pleine rue dans un verre qui sert à tout le monde. Mais, aussitôt qu'il a servi, le verre est placé sous le robinet d'une fontaine. Je me souviens encore qu'une fois, étant entré dans une pâtisserie, je désignai du doigt l'un des gâteaux enfermés dans une vitrine. Mais la vendeuse, abaissant vivement mon bras, « Oh, monsieur, si quelqu'un vous avait vu de la rue, montrez ce gâteau du doigt, on aurait pu croire que vous l'avez touché. » Ce disant, la jeune personne prit la pâtisserie entre les deux branches d'une longue pince de métal et, en me la présentant sur une assiette, détourna légèrement la tête, comme pour préserver le gâteau de son souffle. Cela me remit en mémoire ce que j'avais lu des esclaves qui, chez les Carthaginois, servaient à table avec des bandes autour du nez et de la bouche. En arrivant à Barcelone, je ne manquais pas de faire visite au consul général de France. J'étais accompagné du président de l'Association des jeunes peintres et d'un membre de l'Athénéum. Je remis au consul une lettre du service de la propagande qui me recommandait à lui. « Encore une conférence ?» s'exclama le consul. « Si je l'autorise !» Mais, coupa l'un des deux Espagnols qui m'accompagnait, « nous ne venons pas demander l'autorisation de donner une conférence, monsieur le consul général. Nous sommes venus vous inviter à y assister. » Il n'y vint d'ailleurs pas. Après ma causerie, durant laquelle j'avais parlé surtout de Renoir intime, l'association des jeunes peintres auxquels s'étaient joints les membres de l'Athénéum décida d'envoyer à Renoir une adresse où ils lui témoignaient combien ils avaient été heureux de se sentir quelques instants dans l'intimité du maître. Ils avaient tenu à faire parvenir leur dépêche par les bons soins du consul général, car celui-ci était le Français qui leur semblait le plus qualifié pour servir d'intermédiaire entre eux et le peintre. Ce fut seulement 3 mois plus tard, par un écho du petit Niçois, que Renoir apprit l'existence de ce télégramme qui ne lui était jamais parvenu. Je fis prendre des informations et je sus ainsi que la dépêche n'avait pas été envoyée. À Madrid, où je m'étais rendu ensuite, je reçus le meilleur accueil de l'ambassadeur, à qui je portai ma lettre d'introduction. Fort courtoisement, il m'exprima le regret que ses occupations l'empêchassent d'assister à une conférence sur un artiste pour lequel il avait tant d'admiration. En quoi, d'ailleurs, il était victime d'une méprise. Je ne tardai pas, en effet, à comprendre qu'il confondait Renoir, peintre, avec Renoir, dessinateur. Ma conférence, du reste, ne se ressentit pas de l'absence du diplomate. Le prestige de Renoir suffit à me rendre favorable mon auditoire madrilène. La guerre terminée, j'eus l'occasion d'aller en Alsace. Avec quelle curiosité j'y étais venue, la tête pleine des récits d'Erckmann Chatrian qui avaient peuplé de rêves ma jeunesse, avec leurs jolies filles aux longues tresses blondes et les nids de cigognes sur les toits de maison. Mais grande fut ma déception. La plupart des jeunes Alsaciennes ont maintenant, comme partout, les cheveux courts. Et quant aux cigognes, on m'apprit qu'elles étaient, pour l'instant, en Égypte. D'Alsace, je me rendis à Wiesbaden, où je projetais d'ouvrir une galerie d'art moderne. J'arrivai dans une ville d'une propreté méticuleuse, parmi une population fort accueillante et où maint détail me rappelait la vieille France. Là, il me semblait que je retrouvais toute mon enfance. Au mur, le papier Louis-Philippe, avec ses bouquets ronds dans une petite couronne de fougères, et, chez les confiseurs, les boîtes de dragées décorées de motifs de Watteau qu'on ne trouve plus guère que dans de vieilles maisons parisiennes, comme Seugnot ou la marquise de Sévigné. Une autre fois, me promenant dans un parc, je vis un vieillard à la belle barbe blanche qui donnait le bras à une dame en robe à panier. Deux enfants marchaient sagement devant eux. Une petite fille portant une poupée, un garçonnet avec un cerceau. Et Wiesbaden, à l'époque des grandes fêtes religieuses. Quelle belle procession je vis se dérouler, avec les bannières, au fond des voies ombragées de cerisiers chargés de fruits. Et quelle scrupuleuse honnêteté chez ces Rénans. Je m'étais approché d'un jeune homme qui se tenait sous l'un des cerisiers de la route. Je lui tendis un billet de 5 francs en lui demandant de nous laisser cueillir quelques fruits. Il refusa mon argent. « Ce cerisier n'est pas à moi, » me dit-il. À cette époque, en raison de la dévalorisation du marc, on vous offrait des maisons de 5 étages pour un prix qui ne dépassait guère 25 000 francs argent français. J'assistais à l'une de ces opérations. Une dame commandait l'omnibus pour ses bagages. « Comme on est bien à Wiesbaden, » dit-elle, « on serait heureux d'avoir ici une maison. »« Dans quel quartier, Madame Désir ?» lui demanda le portier. « Oh, vous savez, je pars dans 2 heures. C'est très suffisant. » L'homme désigna du doigt une affiche qui représentait plusieurs villas. « Voilà un lot de maisons à choisir. » Comme la dame, étonnée, regardait le portier, celui-ci, qui avait déjà saisi le téléphone, prononça quelques mots en allemand, puis déclara. « Le gérant des maisons sera là avant 5 minutes, et le notaire est prévenu de ne pas quitter son étude. » La dame n'avait pas eu le temps de revenir de son étonnement que le gérant arrivait en auto, y faisait monter sa future cliente, et, après avoir vu du dehors plusieurs maisons, car le temps pressait, la dame faisait choix de l'une d'elles. Comme il fallait qu'elle déjeunât avant de partir, ce fut le notaire qui arriva à l'hôtel et, s'installant sur une table voisine, rédigea son acte. Il informa l'acheteuse que la loi l'obligeait à lui en donner lecture, bien qu'elle ne comprît pas l'allemand. L'acte était lu presque en entier, quand l'officier ministériel s'aperçut que sa cliente s'était avancée sur le balcon de la salle à manger. « Nous allons être obligés de recommencer. La loi oblige l'acheteur à ne pas quitter un seul instant la pièce pendant la lecture de l'acte. » Heureusement qu'on s'aperçut que le balcon était couvert, ce qui sauva la situation. La merveilleuse propreté de Wiesbaden me fait souvent songer à la Hollande, si réputée à cet égard, et où les ânes et les chiens, avais-je entendu dire dans mon enfance, portaient sous la queue un petit panier. Lorsque j'allais moi-même en Hollande, au moment où j'organisais dans ma galerie de la rue Lafitte, vers 1897, la première grande exposition de Van Gogh, je ne vis ni âne ni chien à petit panier, mais je ne vis pas non plus de crottin dans les rues. Au cours de ce voyage, je fis la connaissance du charmant artiste hollandais To Orop, qui, autrefois, m'avait envoyé de là-bas une planche lithographique pour mon album de peintre-graveur. J'avais été frappée du trait particulier de son dessin, et je m'expliquais mieux cette curieuse stylisation lorsque j'appris qu'à son origine hollandaise, il joignait une ascendance indienne. Un petit incident me fait rire encore quand j'y pense. M'étant égaré, j'avise un passant et je lui demande tout naturellement ma route dans une sorte de petit nègre que je jugeais plus accessible à un autochtone. Mon interlocuteur secoue la tête, Puis il se met à son tour à m'interroger, s'exprimant successivement en plusieurs idiomes. À la fin, « Savez-vous le français ?» me dit-il. Et après m'avoir indiqué mon chemin, « Mais quelle est donc la langue que vous parliez tout à l'heure ? Je n'ai jamais rien entendu de semblable. » En quittant la Hollande, je continuai mon voyage à travers d'autres villes du Nord. Au cours de mes pérégrinations, je m'étais arrêté devant un hôtel dont les cuivres étincelaient comme de l'or. C'était plaisir à voir les servantes frotter les meubles, laver par terre, enfin d'un plumeau diligent, faire la chasse à la poussière. À l'heure du déjeuner, ce fut donc là que j'entrai. Après le repas, je dus, pour aller au vestiaire, passer devant les closettes, dont la porte était restée ouverte. Et j'admirai le zèle avec lequel une petite servante s'appliquait à faire tout reluire. Soudain, celle-ci se redressa. On l'appelait Kadji. La patronne, qui tenait une boîte de couverts à la main, dit à la jeune fille quelques mots sur un ton de reproche. Et aussitôt, avec le même torchon qui lui avait servi à astiquer le siège du petit endroit, l'obéissante Kadji s'empressa de frotter l'argenterie. Comme beaucoup de Français, je connais moins bien mon pays que les pays étrangers. Je le déplore du reste, mais je n'ai jamais éprouvé le besoin de voyager pour mon plaisir. En réalité, je ne détesterais pas les voyages si je pouvais emmener avec moi ma chambre à coucher, ma bonne et, en outre, un guide, car je n'ai jamais été capable de me retrouver dans un itinéraire de chemin de fer. C'est dire que je ne voyage que lorsque j'y suis obligée. C'est dire aussi que les deux seuls endroits de France que je connaisse bien, c'est Vittel et Vichy, où les médecins m'envoient pour ma santé. Je me trouvais à Vichy à l'époque où les savants du monde entier avaient les yeux fixés sur une petite commune des environs, la commune de Glozel. Un jeune paysan de cette localité, nommé Fradin, avait mis au jour, en labourant le champ paternel, un grand nombre d'objets divers. Pierres et briques couvertes de dessins et de signes inconnus, dans lesquels certains archéologues crurent pouvoir reconnaître de précieux vestiges de la période néolithique. Mais d'autres spécialistes de la préhistoire se prononcèrent nettement pour une mystification dont le jeune Fradin aurait été sinon l'auteur, du moins le complice. Il en résulta entre ces savants une controverse passionnée, la querelle glozélienne, qui ameuta les deux mondes et dans laquelle je ne me doutais guère que, malgré mon incompétence, je me trouverais entraîné à mon tour. Voici dans quelles circonstances. Comme je faisais une cure à Vichy, monsieur de Maison, l'auteur des bêtes qu'on appelle sauvages, me rencontrant dans le parc après le déjeuner, m'arrêta. « À propos, monsieur Volard, que faites-vous cet après-midi ? Venez donc avec nous à Glozel, c'est à une demi-heure d'ici. » Une auto nous déposait, peu après, devant une petite ferme, sur un des bâtiments de laquelle on lisait « Musée de Glozel, entrée 4 francs ». Une fois dans l'intérieur, il fallait que le visiteur écarquillât les yeux pour distinguer quelque chose. Une fenêtre de dimension restreinte laissait pénétrer une lumière avare qui éclairait à peine la moitié de la pièce, au fond de laquelle étaient deux vitrines renfermant les mystérieux débris néolithiques. Nous étions là une dizaine de personnes. Deux d'entre elles portaient la rosette d'officier de l'instruction publique, d'où j'augurais que ce devaient être des professeurs. Ils inscrivaient quelque chose sur leur carnet, et je crus remarquer que le maître de séance, Fradin père, ne semblait pas voir d'un bon œil ces gens qui prenaient des notes ou des croquis de ces objets. « Mais on ne distingue rien !» s'exclama l'un des deux universitaires présumés. Et, effectivement, il n'y avait d'à peu près éclairé que trois objets. Un tableau où étaient mentionnés les noms des visiteurs notables. Un registre où ceux-ci avaient apposé leur signature. Et, fixé au mur par quatre pointes, le portrait du roi de Roumanie, découpé dans un journal de Vichy, au-dessous duquel ces mots étaient inscrits à la main. « Un roi à Glozel ». Mes compagnons, devant les armoires vitrées, cherchaient à pénétrer l'énigme glozélienne. Près de la porte était placé un petit canapé Louis-Philippe. Je m'y assis. Une fois installé, je promenai les yeux autour de moi et je remarquai sur une table un certain nombre de numéros de revues que je reconnus à leur couverture violette. « Mais, dis-je, m'adressant au père Fradin, c'est le Mercure de France. Qui est-ce qui lit ça ici ?»« Eh bien, moi, monsieur. Et pourquoi lisez-vous ça ?»« Ah, c'est, monsieur, pour ma culture. » À ce mot de culture, un autre paysan, désignant à son voisin le père Fradin, « Il est peut-être malin dans le néolithique, mais pour ce qui est de la culture, je vous dis, moi, que lorsqu'on a fait du blé après de l'avoine, il faut revenir à l'avoine. » « Allons voir les fouilles !» s'écria tout à coup quelqu'un. Et toute la bande s'y rendit. Le père Fradin marchait en tête avec les deux dignitaires de l'instruction publique. Notre petit groupe se composait d'un médecin, d'un géologue amateur, de M. de Maison, d'une jeune actrice, Mademoiselle Raymond, et de moi. Le terrain exploité se trouvait en contrebas d'un versant de coteaux. Sur le parcours, à côté d'un champ de blé et de maïs, nous aperçûmes un carré de plantes vivaces, d'un joli ton bleuâtre. « Quelles sont ces plantes ? » m'informai-je. Le géologue de la bande proposa d'interroger une adolescente qui faisait paître son troupeau à quelques pas de là. Cet aimable enfant était plongé dans la lecture d'un livre. Je m'imaginais que c'était l'une des innombrables publications que la fameuse controverse avait suscitée. Mais notre jeune bergère n'avait pas encore été atteinte de la fièvre glozélienne. Ce qu'elle lisait si attentivement, et qui d'ailleurs présente à mon avis un intérêt autrement vif que les problèmes de la préhistoire, c'était « L'aiguille creuse » par l'auteur des aventures d'Arsène Lupin. Désignant à la jeune fille les petites fleurs bleues qui avaient attiré notre attention. « Qu'est-ce que c'est que cette plante-là ? Je ne connais que ce qui regarde les moutons, » fit-elle. Nous fûmes tout de même renseignés, car un passant s'écriait au même moment « Tiens, des topinambours !» Il était déjà près de 5 heures quand nous parvînmes à l'endroit des fouilles. C'était un terrain argileux assez bouleversé, avec, çà et là, des trous plus ou moins profonds. Après avoir pataugé quelques minutes dans la glaise, et sans avoir rien vu qui nous parut notable, nous prîmes le chemin du retour. « Eh bien, monsieur Volard, que pensez-vous de tout cela ? » me demanda un de nos compagnons quand nous fûmes dans l'auto qui nous ramenait à Vichy. À ce moment, sentant quelque chose de dur sous mon pied, je vérifiai mon soulier et en retirai un fragment de rivet. « Eureka ! » m'écriai-je. Et, tendant l'objet à mon interlocuteur, « Voyez-vous-même, un rivet ! » Suivez bien mon raisonnement. Admettons qu'il y ait eu, jadis, sur le terrain des Fradins, quelque chose comme une maison démontable. Supposons que son propriétaire y ait réuni une collection d'objets vétustes dont il avait fini par avoir marre. Et imaginons qu'en transportant ses pénates ailleurs, il ait jeté tout le fourbi dans un ravin qui se sera comblé par la suite. « Une maison démontable, mais oui !» s'exclama mon interlocuteur. « Voilà qui expliquerait cette absence de fondation néolithique qui a tant étonné les savants. Une collection d'amateurs, parbleu, voilà pourquoi on trouve dans les fouilles des Fradins tant de résidus d'époques différentes. Cela fait comprendre infiniment mieux les choses que la solution proposée par M. Camille Julian, l'éminent professeur au Collège de France, qu'il y avait eu là l'antre d'une sorcière et que ce qu'on retrouvait à cette place, c'est le matériel qui servait à ses incantations. Cette hypothèse que j'avais émise d'une collection abandonnée, je la repris dans un article publié par les Nouvelles littéraires. Note, numéro du 29 octobre 1929. Fin de la note. On l'interpréta comme une aimable galéjade et je me gardai de protester. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, plus tard, c'est M. Camille Julian lui-même qui soutenait à son tour la thèse d'une collection abandonnée par son propriétaire. Au cours de mes déplacements à l'étranger, le pays qui me fit l'impression la plus forte et aussi la plus formaliste fut l'Angleterre. On dirait que nos amis anglais, pour affirmer leur individualisme, se font comme un point d'honneur de ne pas répondre à ceux dont la prononciation n'est pas impeccable, encore qu'ils vous comprennent parfaitement. Et, de plus, le voyageur doit compter avec les mots d'origine anglaise qui ont pris un autre sens en français. L'hôtel où j'étais descendu à Londres s'enorgueillissait d'avoir un portier qui parlait le français. Comme je rentrais après le théâtre, à une question que je lui posais, le garçon de service m'indiqua un écriteau où on lisait « Le portier qui parle français est couché ». Je me flattais de pouvoir demander, en un anglais convenable, ce que je cherchais, et je dis avec autorité « Water closet ». L'anglais, me regardant tout étonné « What ?» Je me trouvais fort embarrassé. Heureusement pour moi qu'un Français, à qui la langue de Shakespeare était familière, s'offrit aimablement à me renseigner. J'appris ainsi qu'outre-Manche, les water s'appellent toilette. Je profitai de l'obligeance de cet homme serviable pour demander l'explication d'une expression qui m'avait frappé. J'avais lu sur des wagons cette inscription « No smoking ». J'en avais déduit que, dans une autre partie du wagon, le smoking était de rigueur. Mon interlocuteur m'apprit alors qu'en anglais, « no smoking » voulait dire « défense de fumer ». Bien entendu, allant à Londres, j'avais emporté mon habit. Pour me rendre à un dîner auquel j'avais été convié, je l'endossai. Dès mon arrivée chez mes hôtes, je remarquai que les regards se fixaient avec insistance sur moi. Rentré à mon hôtel, quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir, sur un fauteuil dans ma chambre, mon pantalon d'habit, bien reconnaissable à son large galon de soie. Mes yeux s'étant machinalement baissés, je vis que j'avais étourdiment gardé le pantalon de mon costume de ville. Je m'expliquai alors l'étonnement de mes hôtes, qui, furieusement fashionables, avaient pu croire qu'avec mon pantalon bleu et mon habit noir, j'apportais la dernière mode de Paris. En vérité, je ne saurais dire assez mon goût pour cette Angleterre, qui donne une si forte impression de grandeur et d'ordre. J'ai vu Londres au printemps, avec tous ses parcs d'un vert si particulier. Je l'ai vu par un intense brouillard, et jamais Londres ne m'a paru plus beau. On marche à tâtons, et soudain, on découvre des constructions fantomatiques qui font songer au conte des mille et une nuits. Le jour où j'ai eu la révélation de ce Londres-là, j'avais pour guide mon ami Paul Maze, le peintre français bien connu, qui a adopté l'Angleterre comme seconde patrie. Si l'homme de la rue, comme par une sorte de nationalisme outrancier, ne vous répond point si vous ne l'interrogez pas dans un anglais impeccable, par contre, le magnifique policeman anglais, le représentant de l'autorité qui a le contact le plus direct avec la foule, a les yeux constamment fixés sur le passant pour lui venir en aide. Un jour, sortant de mon hôtel, je cherchais une boîte aux lettres. Un Bobby, me voyant, une lettre à la main, regardé de tous les côtés avec hésitation, accourut vers moi et me désigna, de sa main gantée de blanc, le bureau de poste. Et combien j'ai été agréablement surpris par cette chaude hospitalité que l'on trouve chez l'Anglais dès qu'on lui a été présenté. Mon ami Paul Maz m'ayant conduit chez un de ses amis, le valet de chambre nous dit « Monsieur n'est pas là, mais le thé est préparé pour les amis de monsieur qui pourraient venir. » Nous prîmes le thé en attendant le maître de séance. Et, comme il tardait à rentrer, nous revînmes chez Paul Maz. Là, nous trouvâmes son ami qui, de son côté, prenait le thé en l'attendant. Cette année-là, il y avait au British Museum une momie à qui on attribuait un pouvoir maléfique. J'ai toujours eu un peu peur des choses mystérieuses, de tout ce qui évoque des forces occultes. Aussi, je remis ma visite à plus tard. Mais il me restait les autres musées. Là, j'ai constaté avec joie que l'art français moderne prend une place chaque jour plus grande dans les collections anglaises, tant publiques que privées. Les impressionnistes en France, il y a encore moins de 50 ans, demandaient modestement aux peintres officiels de les laisser mettre une petite table à côté de celle autour de laquelle ceux-ci étaient assis, convives fastueux. Or, il est remarquable que, dans un pays aussi traditionnaliste que l'Angleterre, ces mêmes impressionnistes aient si vite acquis droit de cité auprès des Gainsborough, des Lawrence, des Turner, en un mot des plus célèbres peintres britanniques. Si bien que l'on ne peut pas connaître complètement Manet, Renoir, Degas, Monet, Cézanne, si l'on n'a pas visité les musées de Londres et les galeries de ces célèbres collectionneurs. Je citerai notamment les œuvres maîtresses des grands impressionnistes rassemblées par un mécène, M. Samuel Courtauld, qui fit don au musée londonien de quelques-unes de ses plus belles acquisitions.